sais pas si. Ah, mais. T'es tout seul. Ouais. Alors attends. J'ai trouvé la basse. Je vais te faire voir les accords. Enfin, te les avoir. C'est une grande honte. J'ai les paroles. Ça commence en do. Attends, je partirai à 1. Ça change, alors je sais pas combien il faut de mesure. Attends, il faut changer les mesures alors. Attends, je vais enlever ma batterie. J'aimerais bien qu'on essaye Angels of Silence, si vous êtes d'accord. Ça fait un truc un peu comme ça là. Et il faut combien de mesures? Alors attends. Avec le texte, j'ai un peu de mal à chanter ce truc. Ah merde, j'ai perdu la mesure 1. Il y a un truc qui me cache. Ah là, voilà la mesure 1. Merde, raté. C'est un morceau qui change après. Alors c'est pour ça qu'au niveau des mesures, je crois qu'on peut pas sur Reaper, hein, non? Ça fait... Attends. Parce qu'après, ça fait comme ça. Attends, j'ai les paroles. Je vais déplacer ça. Ouais, ça fait ça. Is in my own words are very necessary, they can only do wrong. est-ce qu'on peut jouer tout ça dans sur Dis donc, métaphore. Métamorphe. Je crois savoir qui c'est. J'étais démasqué. Ce serait pas auvergnat, métamorphe. Manu, je pense qu'il va mal prendre. Ou Manu.